les sentiments nous partager pendant vacances d'été. Chant de faire pleurer, passons aller, nous qu'à songer. Les bons moments passés, les nous t'essayer, nous t'aimer. Les sentiments.